franceinter.fr. La guerre de 60 ans. La guerre qui oppose depuis la fin du second conflit mondial juifs et arabes en Palestine. Et peut-être faudrait-il plutôt parler de guerre de 100 ans, puisque les premiers incidents ont éclaté au début du siècle dernier, lorsque les premiers colons sionistes sont arrivés. Aujourd'hui, moins que jamais, la paix ne semble possible. Israël, diplomatiquement et géographiquement isolé, risque de vivre les heures les plus dangereuses de son histoire, tandis que la condition des Palestiniens, des territoires occupés, ne cesse de se dégrader. Monsieur X revient aujourd'hui sur un épisode tragique de cet affrontement centenaire. En 1982, l'opération Paix en Galilée, qui porte si mal son nom et qui a débouché sur l'un des pires massacres d'une région pourtant si peu économe en vies humaines, la tuerie de Sabra et Shatila. Mais derrière cette offensive militaire israélienne sans précédent qui a conduit Tsahal jusqu'au cœur de Beyrouth, il y avait un grand dessein qui visait tout simplement à procéder à un vaste redéploiement des populations de la région. C'est en tout cas l'opinion de M. X qui en fait tout de suite la démonstration. Donnée importante d'abord, après ce que les Palestiniens appellent la Nakba. La catastrophe. Ouais. C'est-à-dire l'exil, souvent forcé, de nombre d'entre eux après la victoire de l'armée sioniste en 1948. Donc, après la Nakba, puis Septembre Noir en 1970. Ça, c'est l'expulsion des Palestiniens de Jordanie. Hein. Après un massacre, un de plus. Donc, après ces deux événements, les Palestiniens étaient de plus en plus nombreux au Liban, où la plupart d'entre eux vivaient dans des camps. Beyrouth était devenue de fait la capitale des Palestiniens exilés et l'OLP de Yasser Arafat y entretenait une importante présence militaire et y avait installé son QG. Ouais, une présence quand même embarrassante. En effet, car elle remettait en cause le fragile équilibre entre les diverses communautés libanaises, maronites, musulmans sunnites et chiites et druzes. Et dans ce Liban, qui connaissait une guerre pratiquement ininterrompue depuis 1975, l'existence de cette communauté palestinienne était un facteur aggravant. Ouais. C'était surtout les chrétiens maronites qui étaient exaspérés par cette présence. Et en 1975, la première guerre du Liban avait commencé par de violents affrontements entre les phalangistes chrétiens de Gemayel et les Palestiniens. Et en 1976, ces mêmes phalangistes, appuyés par l'armée syrienne qu'ils avaient appelée à venir à leur secours contre le camp islamo-progressiste, avait assiégé l'un des plus grands camps palestiniens, Tel al-Zaatar. Ouais, ça s'était terminé par une vraie catastrophe humaine. 2000 Palestiniens y avaient trouvé la mort. Et cette tuerie n'avait pas dû laisser les Israéliens indifférents. Pas forcément. Selon certaines sources, ils avaient même envoyé des observateurs à Tel al-Zaatar, car la présence palestinienne chez leurs voisins ne pouvait que les inquiéter. Du Liban, les Palestiniens pouvaient frapper les kibboutz situés au nord de l'État hébreu. C'est pourquoi, dès 1978, les Israéliens ont occupé le Liban sud, afin de constituer une ceinture de sécurité. En fait, ça deviendra une enclave chrétienne tenue par une armée de supplétifs à la solde d'Israël, commandée par le général libanais Haddad. Ouais. Il y avait donc, au fond, une alliance objective entre les chrétiens libanais et les Israéliens. Et pourtant, les phalangistes ont appelé les Syriens autres ennemis d'Israël. C'est que rien n'est simple au Liban. Par exemple, le clan maronite est très divisé. Et ce n'est qu'après avoir liquidé physiquement ses concurrents que le nouveau chef du clan, Béchir, le fils du vieux Pierre Gemayel, s'imposera. Et entre parenthèses, Il mettra aussi la main sur tous les trafics qui permettaient à ces seigneurs de la guerre de recruter des hommes et d'acheter des armes. Enfin, revenons à ce rapprochement entre les chrétiens libanais et les Israéliens, dont le ciment est la volonté d'en finir avec la présence des Palestiniens au Liban. Oui, y compris par la force. Évidemment. Hein. Ouais. Béchir Gemayel l'a d'ailleurs dit sans embâge, au Liban, il y a un peuple de trop. Ah, le peuple palestinien. Et ce rapprochement, ou cette alliance, alors, prennent quelle forme? Ça va très loin. Israël fournit des armes et des équipements militaires aux phalangistes et son armée. Tsahal entraîne ses miliciens, en Israël même. Et là, il faut évoquer un homme dont je vous ai déjà parlé, Eli Obeika. Oui, rappelez-moi quand même. Obeika, c'est l'homme lige de Béchir. Et aussi, lorsqu'il le faut, son homme de main. Oui, c'est un violent. Et aussi un type qui adore les armes et n'hésite jamais à s'en servir. Oui. C'est Béchir qui a remarqué le jeune Obeika et a contribué à son ascension dans les rangs des FL, les forces libanaises, qui fédèrent les milices chrétiennes. Il a un tout petit peu plus d'une vingtaine d'années lorsqu'il est nommé chef d'une division chargée des opérations militaires spéciales. Promotion rapide, hein. Certainement. Et dans sa partie, Obeika doit être doué. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que le Libanais participe non seulement à des manœuvres d'entraînement en Israël, mais il est aussi bientôt chargé d'encadrer les combattants des forces libanaises qui s'entraînent avec Tsahal. Et à cette occasion, il noue des relations avec les services secrets israéliens. Oui, le Mossad. Oui, et c'est lui encore qui va organiser puis diriger le service de renseignement et de sécurité du parti phalangiste. Ouais. C'est donc un pion essentiel dans le dispositif militaire des Gemayel. Hein. Exactement. Mm. Et en même temps, sur le terrain, Obeika est très actif. Sur le terrain, vous voulez parler des actions armées? Bah, évidemment. Il s'illustre par sa sauvagerie dans le massacre de Tel al-Zaatar. Mais auparavant, il a participé à des tueries de musulmans dans les rues de Beyrouth et à d'autres nettoyages, comme on disait alors pudiquement, contre les Palestiniens du Liban Sud. Et il n'a pas agi avec moins de férocité contre les rivaux chrétiens des Gemayel. Mmh. Si je comprends bien, c'est le tueur en chef du clan. Oui, c'est à peu près ça. Mmh. Mais c'est quand même Béchir Gemayel qui donne les ordres. Et celui-ci, pour satisfaire son ambition de devenir le numéro un du camp chrétien, commet apparemment l'erreur de trop. Quoi? Il s'attaque à une autre vieille famille maronite, les Frangiers. Mais ceux-ci, tout en étant chrétiens, sont des alliés traditionnels de la Syrie. Aussitôt, le président Hafez el-Assad, qui a toujours considéré que le Liban appartenait à la Syrie, se décide à engager une véritable guerre contre les forces libanaises. Beyrouth Est, leur fief, est alors bombardé presque quotidiennement. Et ça a eu une conséquence immédiate. Israël détenait maintenant une bonne raison pour intervenir ouvertement au Liban. Ouais. Mais au fond, bah, c'est peut-être ce qu'attendait Béchir Gemayel, l'allié objectif d'Israël. Ce n'est pas impossible. Toutefois, avant de lancer une offensive militaire de grande ampleur au Liban, Israël devait disposer d'un prétexte justifiant son agression. Déjà, en avril 1982, un diplomate israélien en poste à Paris est abattu. Quelques jours après cet attentat, l'aviation israélienne bombarde des positions palestiniennes près de Beyrouth. Mais ce n'est pas encore le prétexte attendu par le gouvernement israélien. Et vous le savez sans doute, c'est le terroriste Abu Nidal qui va le lui donner 2 mois plus tard en perpétrant une tentative d'assassinat contre l'ambassadeur israélien à Londres qui restera paralysé à vie. Abu Nidal qui aurait peut-être eu partie liée avec les services israéliens. Bon, c'est en effet très possible. Et la riposte israélienne est immédiate. Après un raid aérien de représailles sur des positions palestiniennes à Beyrouth, raid qui fait plus de 200 morts, Tsahal lance l'opération Paix en Galilée. Ouais, c'est-à-dire l'invasion du Liban. Oui, oui, au départ, il n'est question que de repousser les Palestiniens à 40 km au nord de la frontière libanaise. Mais Ariel Sharon, qui commande les troupes israéliennes tout en étant ministre de la Défense, n'a pas l'intention d'en rester là. Il a là une occasion unique d'en finir avec les Palestiniens et leur chef, Yasser Arafat. Et ce n'est qu'une petite partie de ce que Sharon a réellement en tête et qu'il a sans doute déjà négocié avec Béchir Gemayel. Enfin, un petit peu de patience, nous verrons cela un peu plus tard. J'attendrai, mais alors les opérations militaires, comment se déroulent-elles? 3 jours après le début de l'offensive, Tsahal se trouve à seulement 10 km de Beyrouth. Sharon a donc déjà outrepassé les objectifs initiaux de paix en Galilée. Hein. Alors, agissait-il en accord avec le gouvernement dont il était l'un des ministres? Écoutez, je me souviens d'une déclaration qu'il a faite 2 ou 3 semaines avant son entrée dans Beyrouth Ouest. tout en démentant avoir l'intention de donner l'assaut à la capitale libanaise. Il a néanmoins avoué, je vous dis ça de mémoire, si j'avais été convaincu qu'il nous fallait entrer dans Beyrouth, personne au monde ne m'aurait arrêté, démocratie ou pas. J'y serais entré même si mon gouvernement n'était pas d'accord. Bon, écoutez, ça me semble clair, non ? Rendez-vous avec X. La connivence entre maronites et juifs semble ancienne. Elle existait avant même la création de l'État d'Israël, si j'en crois le journaliste David Hurst, auteur d'une récente histoire du Liban. Il cite un visiteur sioniste de l'époque. Non seulement les maronites veulent que les juifs viennent en Palestine et en Syrie, mais ils espèrent que l'afflux de colons sera abondant et rapide, car cela rejoint leurs propres intérêts politiques et économiques en tant qu'arabes chrétiens. Les chrétiens arabes sont une minorité comme les juifs. Si chacune de ces minorités croît en nombre, elles peuvent former un bloc qui contrebalancera la supériorité numérique écrasante des musulmans que les chrétiens redoutent. La supériorité intellectuelle des juifs et des chrétiens peut compenser la suprématie numérique des musulmans. Sans commentaire. Sharon était donc prêt à enfreindre les ordres qu'on lui avait donnés. Oui, et je suis même persuadé que lorsqu'il a fait cet aveu, il a déjà tout préparé pour l'invasion de Beyrouth. Alors rappelez-moi la chronologie, là. L'opération Paix en Galilée est une offensive de grande ampleur qui mobilise 90 000 hommes et plus de 2 000 blindés. Elle est donc déclenchée le 6 juin 1982. Tandis qu'une partie des troupes de Tsahal s'empare des villes du sud au prix de rudes combats avec les Palestiniens, d'autres sont montées vers la capitale. Ouais. Beyrouth. De rudes combats, dites-vous. Hein. Les Palestiniens pouvaient-ils résister ? Ah, ils l'ont fait. Mais ils n'avaient ni le nombre, ni les armes, et encore moins l'entraînement. Ouais. Donc le rouleau compresseur israélien passe. Et dès le 13, Beyrouth est encerclé. Au sud et à l'ouest, par les forces israéliennes, et à l'est, par les forces libanaises de Gemayel. Ouais. Les alliés ont donc fait leur jonction. Arafat et les siens sont par conséquent pris au piège dans la capitale libanaise. Bon, je passe sur toutes les manœuvres diplomatiques qui vont occuper les mois de juillet et d'août. Manœuvres ponctuées de violents bombardements israéliens. L'opération Paix en Galilée a déjà fait 20 000 morts. Et la communauté internationale réagit en décidant le principe de l'envoi à Beyrouth d'une force multinationale d'interposition. Ouais, et qui comportera une importante présence française. C'est exact. Mmh. On s'achemine très vite vers l'issue que souhaite le gouvernement israélien, c'est-à-dire l'évacuation des combattants palestiniens. Ouais. Et c'était aussi ce que désirait Sharon ? Non. Non, le général israélien lui aurait voulu, je vous l'ai dit, pénétrer immédiatement dans Beyrouth et liquider Arafat. Mais les réactions à l'étranger et son premier ministre Begin l'en empêchent. D'autre part, une pièce de son dispositif coince. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Selon les accords passés avec Béchir Gemayel, il était prévu que les forces libanaises entreraient dans Beyrouth-Ouest dès que Tsahal serait aux portes de la ville. Oui, alors, si j'ai bien compris, à Gemayel de commencer le nettoyage. Eh oui, et ensuite Sharon serait venu lui donner un coup de main. Et dans les décombres, Israël aurait enfin signé un accord de paix avec le Liban. Oui, c'est-à-dire avec les chrétiens libanais. Hein. Bien entendu, mais ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Alors pourquoi ? Gemayel se garde bien de donner l'assaut à Beyrouth-Ouest, où se terrent les hommes d'Arafat. Et devant les signes d'impatience de Sharon, il dit qu'il veut d'abord se faire élire président de la République. Car il pense, non sans raison, que si ses troupes entraient dans Beyrouth-Ouest, cela compromettrait ses chances. Oui, parce qu'il apparaîtrait trop ouvertement comme l'allié d'Israël. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et c'est un argument que peut comprendre le général israélien. Car si Gemayel est élu par le Parlement, Sharon est persuadé qu'on en arrivera rapidement à la signature d'un traité de paix. Ouais. Il faut donc attendre. Mais pas l'arme au pied, ce n'est pas le genre de Sharon. Dès le début du mois d'août, les blindés israéliens pénètrent dans Beyrouth-Ouest et la traque des Palestiniens commence. C'est une guerre de rue, impitoyable. Mais, une nouvelle fois, la communauté internationale et surtout les États-Unis interviennent et imposent un cessez-le-feu. ça permet aux premiers éléments français de la force multinationale de débarquer à Beyrouth. Et c'est sous leur protection que les combattants palestiniens, Arafat en tête, vont pouvoir quitter Beyrouth. Oui, oui, mais les événements vont se précipiter. Une semaine plus tard, Béchir Gemayel réalise son rêve. Il est élu président de la République libanaise et aussitôt les Israéliens lui demandent de respecter sa parole. Car après tout, il n'aurait sans doute pas été élu si Tsahal n'était pas entré au Liban. Alors, oui, on lui demande donc la signature là, de ce traité de paix qui mettrait fin à l'état de belligérance entre les deux pays, état qui existe depuis la première guerre entre les Juifs et les Arabes. Mais Gemayel n'est pas pressé. Au cours d'une rencontre secrète avec Begin, Shamir et Sharon, il fait valoir que s'il signait, cela aurait de graves conséquences pour le Liban, qui serait isolé au sein du monde arabe. Ouais, mais c'est pourtant ce qu'a déjà fait Sadat. Ah, c'est vrai, mais la situation libanaise est encore explosive. Et Béchir Gemayel explique qu'il a d'abord besoin de consolider son pouvoir. Ah, mais les Israéliens doivent être furieux. Eh oui, et ils ont l'impression d'avoir été dupés. La rencontre a dû être rude. Et Béchir confiera plus tard que les Israéliens l'ont humilié. Ils ont même exigé que le général Haddad, le patron de cette armée supplétive aux ordres d'Israël, soit nommé chef d'état-major. Oui, mais Gemayel n'a pas cédé. Et ce n'est sans doute pas un hasard si, dès le lendemain, des fuites dans la presse font état de cette rencontre ultra-secrète. Oui, des fuites intentionnelles. Bon, naturellement, ouais. Les Israéliens veulent faire pression sur Gemayel. Ouais, en le compromettant aux yeux de l'opinion arabe. Et des musulmans libanais. Alors, rapidement, les relations entre Gemayel et les Israéliens s'enveniment. Sharon menace de rester au Liban. Le leader chrétien riposte en déclarant que son objectif prioritaire est de rétablir son autorité sur tout le Liban. Et la paix avec Israël, si paix il doit y avoir un jour, viendra plus tard. Mais vous connaissez la suite. Le 14 septembre, 3 semaines seulement après son élection, Béchir Gemayel meurt dans un terrible attentat à l'explosif qui ravage le siège des phalanges. Il y a des dizaines de victimes. Alors, qui se trouve derrière cet attentat, selon vous ? Ah ben, on a le choix, si j'ose dire. On peut d'abord penser aux Israéliens, qui estimaient avoir été trompés par le jeune président libanais. Mais ça ne me paraît pas très vraisemblable. Israël avait au contraire intérêt à maintenir la pression sur Gemayel en espérant qu'il finirait par plier. Alors, qui d'autre ? Les Syriens, naturellement, qui avaient de bonnes raisons d'éliminer un président qui leur était hostile et avait passé des accords avec Israël. Et puis, il y avait ses ennemis traditionnels, à commencer par les Palestiniens, qu'il avait massacrés en masse. Et les familles aussi de ses rivaux chrétiens, là, qu'il avait fait assassiner. Oui. Et votre opinion, alors ? Les services de Damas ont certainement été mêlés à l'affaire. Ouais, comme dans l'affaire de l'assassinat de Rafik Hariri. Mais les hommes qui ont perpétré l'attentat étaient des Libanais. Des Libanais pro-syriens. Et parmi eux, je pense à Obeika. C'était pourtant un fidèle de Gemayel. Certainement, mais c'était un ambitieux. Et il en avait peut-être assez de n'être qu'un super garde du corps. Et je veux pour preuve de son éventuelle culpabilité 2 points essentiels. Le jour de l'attentat, bizarrement, l'unité spéciale chargée de la protection de Gemayel était absente. Or, cette unité, je crois, était placée sous la responsabilité d'Obeika. Oui. Autre indice. Obeika, qui avait été farouchement pro-israélien, va bientôt tourner kazakh et se rapprocher des Syriens. En tout cas, cet attentat spectaculaire va avoir de dramatiques conséquences. Dès le 15 septembre, c'est-à-dire au lendemain de l'assassinat de Béchir Gemayel, l'armée israélienne pénètre dans le secteur musulman de Beyrouth. Ouais, Beyrouth Ouest. Ce qui signifie que l'armée de Sharon était prête et n'a pas été prise au dépourvu par l'assassinat de Béchir Gemayel. Oui, c'est ce qu'on découvrira plus tard. Les plans avaient été élaborés depuis plusieurs semaines. Est-ce que Sharon, une fois de plus, a enfreint les ordres ? Non. Non, le Premier ministre Begin et Shamir, le ministre des Affaires étrangères, ont donné leur accord. Ouais. Mais les autres membres du cabinet, me semble-t-il, n'ont pas été consultés, alors que c'est la coutume en Israël lorsqu'une décision importante doit être prise. C'est vrai. Et comment justifier alors cette entrée dans Beyrouth Ouest ? Les militaires israéliens veulent, disent-ils, vérifier par eux-mêmes que plus aucun membre de l'OLP ne s'y trouve. Car ils pensent que les Palestiniens n'ont pas tous quitté Beyrouth. Oui, ils veulent donc nettoyer la capitale libanaise. Et c'est l'engrenage fatal. Car il existe à Beyrouth même 2 camps de réfugiés palestiniens. Oui, Sabra et Shatila. Oui. 2 camps qui se trouvent près du stade. Mais avant d'en venir aux massacres qui vont suivre, il faut souligner un point important. Les militaires de la force multinationale, français, américain et italien, ont quitté Beyrouth la veille même de l'assaut israélien. Coïncidence ? Ah, ça, je ne sais pas. C'est vrai que la mission de la FMI, qui était de procéder à l'évacuation des forces de l'OLP présentes à Beyrouth, était terminée. Mais Arafat et Béchir Gemayel également avaient demandé que le contingent international demeure sur place. Oui, et pour quelle raison ? Bah, pour Arafat, c'était clair. Il avait peur qu'après son départ, les milices chrétiennes en profitent pour liquider les civils palestiniens qui restaient dans Beyrouth. Quant à Gemayel, la présence de la FMI était une garantie, à la fois contre les Syriens et les Israéliens. Ouais, mais la force multinationale est partie. Et malgré les promesses qui auraient été faites à Arafat. Et aussitôt, Sharon a décidé d'entrer dans Beyrouth Ouest. Mmh. Quelle était sa position vis-à-vis des camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila ? Le général israélien était persuadé que des terroristes s'y cachaient. Mais son gouvernement lui avait interdit de pénétrer dans les camps. Aussi, le soin de nettoyer Sabra et Shatila a-t-il été confié aux phalangistes, commandés entre autres par Elie Obeika ? Ouais, malgré les risques de massacre. Oui, enfin, telle est la vérité. Parce qu'il était évident que les phalangistes des forces libanaises n'avaient pas de pires ennemis que les Palestiniens contre lesquels ils se battaient depuis 7 ans. Par conséquent, il était certain qu'ils ne feraient pas de quartier. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Il faut détruire les camps palestiniens au Liban inlassablement jusqu'à ce que disparaissent pour toujours ces ateliers du crime, ces asiles de criminels et de délinquants de toute provenance, ces pépinières de terroristes. Voilà ce qu'écrivait l'éditorialiste du Réveil, le journal phalangiste, 2 jours avant l'élection de Béchir Gemayel à la présidence. Ce document est cité par Samir Kassir, journaliste libanais assassiné à Beyrouth en 2005, qui ajoute dans un article du Monde diplomatique « Cet appel au meurtre, au relent raciste, montre jusqu'où la droite chrétienne, saoulée par sa victoire, était disposée à aller dans sa logique d'expulsion » à quelques semaines du bain de sang de Sabra et de Shatila, qui ne fut pas seulement un acte de vengeance chrétienne, et encore moins un accident. Les recoupements d'informations provenant de différentes sources libanaises confirment qu'une opération contre les camps palestiniens avait déjà été décidée avant l'assassinat de Béchir. Elle était prévue pour les jours suivant sa prise de fonction, de même qu'était prévue l'entrée de l'armée israélienne à Beyrouth Ouest. Le risque d'un massacre était encore accru par le fait que les phalangistes étaient sous le coup de la mort de leur chef, Béchir Gemayel. Ouais, ils voulaient se venger, quoi. Et les civils palestiniens ont fait parfaitement l'affaire. Ah, une véritable horreur. Et vous avez raison de parler de civils, car on ne trouvera nulle trace de ces prétendus terroristes lourdement armés qui se seraient cachés dans les camps. On comptera donc des centaines et des centaines de morts massacrés, parfois éventrés, alors même que les deux camps étaient encerclés par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui a donc laissé faire. Bah, c'est incontestable. Les soldats israéliens ne pouvaient pas ignorer les crimes des phalangistes. Depuis leur position, ils voyaient ce qui se passait. Ouais. Donc Sharon, puisque c'était lui qui commandait, hein, est doublement coupable d'abord. Mmh. D'avoir invité les phalangistes à entrer dans les camps et ensuite de ne pas être intervenu pour faire cesser les massacres. Et c'est ce que reconnaîtra une commission d'enquête israélienne. Sharon, vous le savez, sera obligé de démissionner de son poste de ministre de la Défense. Ouais, en restant ministre toutefois. Exact, mais à mon avis, cette commission n'a pas fait toute la lumière sur ces événements tragiques. Car il n'a accusé Sharon que de responsabilité indirecte dans les crimes de Sabra et Shatila. Or, les choses sont plus compliquées. Expliquez-moi alors. Je pense que la responsabilité de l'armée israélienne va bien au-delà d'une simple non-assistance à personne en danger. Il y a d'abord ces fusées éclairantes tirées par les militaires israéliens et qui ont permis aux massacreurs d'agir comme en plein jour. Ensuite, il y a ces nombreux témoignages de rescapés qui affirment que des Israéliens étaient présents à l'intérieur des camps lors des massacres. Et c'est plausible, ça ? Pourquoi pas. Mais il faut aussi tenir compte du fait que certains phalangistes avaient pu revêtir des uniformes israéliens. Après tout, quand ils s'entraînaient en Israël, ils portaient l'uniforme israélien. Et lors d'une réunion avec Béchir Gemayel, le chef d'état-major de Tzahal, le général Etan, avait assuré qu'au cours de leurs actions communes, les phalangistes seraient considérés comme appartenant à des unités régulières de l'armée israélienne. Ouais. Et Sabra et Shatila faisaient partie de ces opérations communes ? On peut le penser. Enfin, il semble bien que c'est Sharon qui a demandé aux phalangistes de nettoyer, c'est le mot qu'il leur a employé, les camps de Sabra et Shatila. Un nettoyage qui devait se faire dans la plus grande discrétion. Ouais, difficile quand même de dissimuler la mort de centaines et de centaines de gens. Il n'était pas question de dissimuler, mais d'attribuer la mort de tous ces Palestiniens à des combats en règle entre phalangistes et terroristes de l'OLP. Mm-hmm. Alors pourquoi cette version n'a-t-elle pas été retenue ? Eh bien parce que des journalistes ont réussi à pénétrer dans Sabra et Shatila et ont vu que c'était essentiellement des civils qui avaient été massacrés et qu'il avait été procédé à un véritable génocide. C'est le terme qui a été retenu par l'Assemblée générale des Nations unies à la fin de 1982. Enfin, il y a un autre aspect très troublant, celui des Palestiniens détenus dans le stade. Oui, le stade de Beyrouth, voisin des camps. Oui, un stade qui a été tenu par les militaires israéliens. Les phalangistes n'ont heureusement pas massacré tous les réfugiés. Et pendant et après les massacres, ils ont procédé à un tri. Femmes et enfants d'un côté, hommes de l'autre. Ces derniers, au nombre de 1800, ont été conduits au stade. Et donc remis aux Israéliens ? Les Israéliens qui désiraient sans doute les interroger. Le problème, c'est qu'on n'a pas revu ces détenus. Que sont-ils devenus, alors ? Il y a de fortes chances pour que les Israéliens les aient livrés à leurs alliés phalangistes. Dès lors, leur sort était scellé. Assassinés ? Vraisemblablement. Et peut-être même, pour quelques-uns d'entre eux, enterrés sous la pelouse du stade. Mais on n'y retrouvera jamais. À la fin de la guerre, on a démoli le stade et reconstruit sur ses ruines de luxueuses installations sportives. Alors, au début de cet entretien-là, vous m'avez laissé entendre que cette affaire dissimulait un plus grand dessein. En effet, appelons-le le plan Sharon, même si d'autres dirigeants israéliens de droite partageaient cet objectif. Alors, de quoi s'agissait-il ? D'abord, après avoir détruit les structures de l'OLP, il fallait aider le Liban à devenir un grand État chrétien qui aurait naturellement vocation à faire la paix avec Israël. Puis suivrait l'expulsion de tous les Palestiniens à destination de la Jordanie. Et qui serait donc un État palestinien ? Quitte à chasser Hussein de son royaume qui deviendrait une république. Mmh. Et la Cisjordanie alors ? Débarrassée de tous les Palestiniens qui n'accepteraient pas la collaboration avec Israël, elle rejoindrait le Grand Israël, rêve des sionistes les plus extrémistes et des colons d'aujourd'hui. Je vous rappelle le livre de David Hurst, publié chez Perrin, L'histoire du Liban, qui offre une analyse détaillée du drame de Sabra et Shatila. À samedi prochain sur franceinter.fr, vous pourrez peut-être réussir à podcaster cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Biou et illustrée par Monsieur Joum. Tout de suite après le flash, on s'éclate. C'est au demain d'amour de Denis Chessou.